Le purgatoire selon Maria Sima. 12. Les prêtres sur terre. Maria, depuis plus d'un demi-siècle que vous avez ces apparitions, combien de prêtres avez-vous dit croire à votre témoignage? Je doute qu'il y en ait plus d'un sur quatre. Cela y croit profondément et, bien sûr, les modernes n'en croient pas un mot. Pourquoi le pourcentage est-il si bas, d'après vous? Les âmes m'ont dit que jamais dans son histoire l'Église n'a été en aussi mauvais état qu'aujourd'hui. Le péché d'apostasie, abandon de la religion, est partout, et ce sont les prêtres qui en seront tenus les plus responsables. Au lieu de prier et d'enseigner l'Évangile, ils semblent courir partout pour étudier la psychologie, la communication, la comptabilité ou je ne sais quoi encore. Ils veulent apprendre à se rapprocher du public. Mais ce sont eux qui devraient montrer au public comment se rapprocher de Jésus et de Marie par la prière, au lieu d'apprendre à se mettre à jour ou s'ajuster à cette société sécularisée. Ils ont complètement oublié que s'ils prient, eux et leur peuple, Jésus veillera à ce que tout le reste s'arrange. Trouvez-moi une paroisse pieuse où les choses ne s'arrangent pas pour le mieux. Il n'y en a pas. Lorsque les prêtres disent que ces choses ne peuvent pas être vraies, parce qu'elles n'arrivent pas dans la Bible, que répondez-vous à cela? Dieu est tout à fait capable de permettre des choses qui ne sont pas spécifiquement décrites dans la Bible. Le fait que votre nom ou cette montagne-là ne se trouve pas spécifiquement dans la Bible ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas infiniment et ne considère pas votre âme plus importante que l'univers entier. Et cela ne veut pas dire que cette montagne ne fait pas partie de son plan. Il y a également beaucoup de choses dans l'Église, comme le rosaire, le Sacré-Cœur et le scapulaire, qui sont dues à des révélations privées et qui par conséquent n'étaient pas mentionnées dans la Bible. Jésus lui-même nous a parlé du purgatoire, et la Bible est remplie de références de prier pour les défunts. Tout ce qui prêche contre l'amour ou pour faire cesser l'amour entre les gens, et cela inclut les défunts, n'est pas de Dieu. Les gens demandent souvent pourquoi nous devrions passer par Marie ou aller vers les saints alors que nous pouvons voyager en première classe et aller directement à Jésus. Et il y a aussi des prêtres et des religieuses parmi ces gens-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? Dieu nous a tous mis ici pour que nous puissions nous aider les uns les autres en cette vie, et si d'autres, par leur bon exemple, peuvent nous apprendre quelque chose sur les innombrables façons d'aller au ciel avec Jésus, pourquoi ne devrions-nous pas accepter aussi leur aide? Les autres confessions n'ont pas gagné grand-chose en rejetant Marie et les saints, mais ils ont ainsi perdu leurs plus grands intercesseurs devant le trône de Dieu. Celui qui n'écoute pas son prochain et qui n'aide pas son prochain par la même occasion n'est pas digne de la vie. Voyager en première classe, en allant directement à Jésus me semble être de l'orgueil mal déguisé. Tout comme un enfant grandit en cette vie avec ses frères et sœurs, cousins et cousines, oncles et tantes, un chrétien grandit lui aussi en étudiant les saints dont la vie est bien documentée, et avec l'aide des saints gens qui nous entourent aujourd'hui. À ceux qui osent dire qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de la Vierge Marie, je leur demande ce que Jésus lui-même a dit à sa mère et à Jean quelques instants avant de rendre le dernier soupir sur la croix. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jésus lui-même va-t-il nous laisser voyager en première classe si nous ignorons la mère qu'il a portée, élevée et éduquée? Je les mets au défi de dire qu'ils le connaissent réellement s'ils n'écoutent pas ces paroles adressées à l'instant même de sa mort à chacun d'eux. Cela me blesse terriblement d'entendre parler contre Marie. Imaginez alors ce que cela peut faire à Jésus. Mais Marie est précisément en train de faire, ces dernières années, un puissant retour dans le monde entier. Elle ramène à son fils un nombre immense de personnes par ses apparitions qui semblent se produire dans tous les coins de ce monde en détresse. Les âmes ont-elles dit quelque chose au sujet des prêtres modernes, de leur rôle et de leur comportement en public? Ce qu'elles aiment le moins, c'est qu'ils abandonnent leur habit pour se fondre dans le public. Les âmes ont dit la même chose à propos des religieuses. Cela diminue le nécessaire respect que le public devrait leur témoigner. Ils ont fait le vœu de servir Jésus et pas celui d'être comme tout le monde. Y a-t-il des prêtres au purgatoire et qu'est-ce qui les y conduit le plus souvent? Les prêtres sont très nombreux au purgatoire. Je ne pourrais naturellement pas vous donner un pourcentage ni un ordre de fréquence des péchés en particulier, mais ce qui me vient le plus rapidement à l'esprit c'est la désobéissance envers le pape, le manque d'amour pour la Sainte Messe, le manque d'amour pour la prière et le jeûne, le fait d'avoir négligé la lecture de leur bréviaire et, encore une fois, la communion dans la main. Vous savez probablement mieux que moi que la question de la communion dans la main est extrêmement controversée. Pourquoi en est-il ainsi? Les âmes m'ont dit que jusqu'à aujourd'hui, jamais un pape n'a été personnellement en faveur de la communion dans la main, mais qu'elle a été obtenue politiquement par un groupe de cardinaux et d'évêques. Les prêtres et les évêques plus âgés savent cela très bien et, pour la plupart, ils n'en ont pas informé le public. Ce sont eux, par conséquent, qui emportent la plus grande responsabilité. Tous les papes savaient très bien que la communion dans la main allait contre la révérence envers le Saint des Saints, et notre pape actuel ne distribue pas la communion dans la main des fidèles. Naturellement, dans ces conditions, les communiants ne pêchent pas en recevant la communion dans la main, mais je les supplie d'écouter nos papes. Cette pratique a également facilité un bien plus grand nombre de sacrilèges. Sachez que les sorcières paient beaucoup d'argent pour pouvoir blesser Jésus directement dans les hosties consacrées, qui sont souvent secrètement sorties des églises. Nous devons cesser de leur donner si facilement accès au Saint des Saints. C'est une question très sérieuse. Si tous les prêtres priaient le Saint-Esprit et priaient le rosaire, aucun d'entre eux ne s'égarerait aussi facilement et aussi fréquemment qu'ils le font aujourd'hui concernant ces questions. Personne ne peut dire que l'on priait moins il y a deux générations, parce que c'est le contraire qui est vrai. Et en revenant à plus d'humilité et de prière, les jeunes apprendraient rapidement la valeur d'une attitude humble et pénitente devant le Saint des Saints. J'ai même vu des communiants ne pas recevoir la communion parce qu'ils s'étaient agenouillés. J'ai aussi vu des enfants faire leur première communion et à qui on disait de rester debout, même si cela blessait leurs parents et leurs grands-parents. Tout cela est l'œuvre de Satan et m'attriste profondément. Et lorsque les gens me disent qu'ils veulent faire comme tout le monde par amour fraternel, je dis non parce que lorsque l'amour fraternel est contraire à une humble révérence envers le Saint des Saints et le divin amour de Dieu, cette faiblesse permissive n'est pas de Dieu. Je me rappelle également quand les évêques allemands ont contribué à obtenir cela du pape. Ce sont les évêques américains qui ont commencé par dire qu'ils ne donneraient pas leur accord, parce que c'était contre le désir du pape. Mais regardez ce qui est arrivé maintenant. Et combien de prêtres nous avons perdus parce que leur conscience ne pouvait pas supporter cela? Un grand nombre. Au sujet de la communion dans la main, quelque chose d'intéressant est arrivé à Munich, il y a quelque temps, au cours d'une conférence que je donnais. Lorsque j'ai abordé le sujet, j'ai remarqué que cela causait soudainement tout un émoi parmi pas mal de gens. Trois personnes essayaient de contredire ce que je disais et elles le faisaient pratiquement toutes en même temps. J'ai demandé l'aide de Dieu en silence. Comme l'assistance commença à devenir bruyante et agitée, sur un côté de la salle, une jolie femme d'environ 40 ans, habillée d'une longue robe noire, s'est levée, avec beaucoup de gentillesse mais aussi avec une équitable autorité, s'est adressée à la salle, et après une minute ou deux tout le monde avait repris son calme. J'étais impressionné par sa connaissance tout autant que par sa façon de la communiquer avec un tel amour. Après ma conférence, je suis allé trouver les organisateurs pour leur demander de parler à cette femme et la remercier de son aide. Je croyais d'ailleurs qu'elle faisait partie du groupe qui m'avait invité pour parler du purgatoire. Eux pensaient par contre qu'elle était une amie que j'avais amenée avec moi. Nous étions tous dans l'erreur. Elle était introuvable et nous sommes même allés voir les personnes qui avaient surveillé les portes, car la conférence était sur invitation seulement. Ils nous ont dit qu'aucune femme répondant à cette description n'était passée par ces portes et qu'il n'y avait pas d'autre entrée à cette salle. Elle avait disparu. Était-ce une pauvre âme? Très probablement. Et quelques-uns d'entre nous ont prié pour elle. Certains disent que parce que Jésus a distribué le pain dans la main de ses disciples au cours de la dernière scène, les prêtres pouvaient bien faire la même chose aujourd'hui. Que pourriez-vous répondre à cela? Catherine Emmerich comme Thérèse Neumann, sans doute les deux plus grandes mystiques allemandes que l'on connaisse, ont pu toutes deux assister à la dernière scène, et dans les deux cas Jésus a distribué le pain consacré dans la bouche de ses apôtres. Et je vous prie maintenant de bien comprendre et de me faire confiance. Je suis loin d'être la seule à dire cela. C'est précisément cette question, et beaucoup d'autres qui lui sont connexes, qui est aujourd'hui le sujet de discussion au plus haut niveau dans l'Église. Et je sais qu'ici encore c'est Jésus qui l'emportera, peu importe le chaos qui pourra encore régner. Pardon, mais ce que vous dites que Catherine Emmerich a vu, c'est encore une révélation privée? Tout au long de l'histoire c'est par des révélations privées que Dieu a remis les choses en place. Et comme chacun peut le confirmer en examinant les cas les plus célèbres de l'histoire, les fruits en ont été très abondants et les conversions innombrables. Regardez simplement la rue du Bac, Lourdes, Fatima, ou Thérèse Neumann, sans parler des millions de conversions qui se sont produites au cours des dernières décennies dans ce petit village anonyme perdu au milieu de l'Europe. Je parle ici à nouveau de Medjugorje. Maintenant que je repense à Medjugorje, je voudrais ajouter autre chose à propos de la communion dans la main. Oui, qu'est-ce que c'est? Et, je vous en prie, Maria, dites-moi tout ce que vous savez sur tous les aspects possibles de la question, parce que je sais que bien des braves gens sont à la recherche de la bonne réponse à cette question. Dans les villes comme Medjugorje, Skio, Garabandal et les autres, où Notre-Dame a choisi d'apparaître, cela se produit souvent à l'extérieur. Prenons l'exemple de Medjugorje où elle est souvent apparue et elle apparaît encore sur l'une ou l'autre des deux montagnes. Garabandal 1961 à ses apparitions, vous allez trouver une assistance allant d'une petite poignée de gens, au cœur de l'hiver, jusqu'à une foule de 5000 personnes les jours de grandes fêtes et pendant la belle saison. Sans la moindre hésitation, tous ceux qui sont là, et quel que soit le temps, vont se bousculer dans la boue, parmi les pierres coupantes et les buissons épineux afin de pouvoir s'agenouiller pendant que Marie est avec eux. Cela leur vient à tous naturellement, et c'est normal. Mais à peine 2 ou 3 heures plus tôt, dans l'église, en recevant Jésus lui-même dans la Sainte Hostie, presque tous se tenaient fièrement debout comme des soldats. Est-ce cela ce que Notre-Dame attend de nous? Que l'on s'agenouille devant elle et pas devant son divin Fils? Non, bien sûr. De grâce, que les braves gens écoutent et suivent leur propre conscience, et ne fassent pas les choses simplement parce que les autres les font. J'ai pour vous une autre confirmation sur cette question, elle n'est peut-être pas aussi frappante que la précédente concernant la femme avec les mains noircies, et il n'y a pas eu de mal si on considère la chose comme amusante, mais elle est pour moi certainement aussi convaincante que n'importe quelle histoire. Je connais personnellement une femme très bonne et très pieuse qui avait également des problèmes avec la communion dans la main, et elle a simplement prié en demandant à Jésus de lui envoyer bien vite un signe afin de clarifier la question pour elle. C'est ce qu'il a fait. Le jour même où elle est retournée communier, le prêtre, comme il l'avait fait jusqu'alors, a placé l'hostie dans sa main. Mais à peine l'avait-il déposée que l'hostie s'est élevée pour s'envoler et disparaître sans laisser de traces. Plusieurs personnes ont été témoins de ce petit miracle. Maria, vous êtes convaincante. Mère Teresa préférait également que les communiantes communient à genoux et sur la langue, et c'est la seule forme permise dans ces communautés. C'est que la communion dans la main, du point de vue de l'Église, est seulement une tolérance. Ce n'est pas ce que l'Église veut réellement. Lorsque les prêtres au purgatoire sont venus vers vous, qui s'est chargé des prières ou de ce dont ils avaient besoin pour être délivrés? ce sont les prêtres qui doivent s'occuper des prières dont ils ont besoin. Mais s'il y a autre chose, je m'en occupe moi-même. Combien de fois les prêtres devraient-ils célébrer la messe? Pas moins d'une fois par jour, et la loi de l'Église leur permet d'en célébrer tout au plus deux, si la deuxième est une messe de funérailles ou de mariage. Mais Dieu comprend certainement qu'il puisse y avoir des circonstances extraordinaires permettant aux prêtres de célébrer plus de messes, par exemple lorsqu'un autre prêtre n'est pas disponible. C'est que la célébration de la Sainte Messe est le cœur même de leur travail. C'est le plus grand devoir et il devrait devenir leur plus grand amour pour Dieu envers qui ils ont prononcé leurs vœux. Peut-on présumer qu'il y ait également des sœurs au purgatoire? Pour la plupart d'entre elles, c'est le manque d'humilité, de modestie et la désobéissance qui les y amènent. Et les prêtres qui vont en enfer? Il n'y a pas très longtemps, un prêtre qui avait récemment été très malade est venu me voir ici. Il avait été hospitalisé plusieurs fois au cours des dernières décennies et avait failli mourir trois fois. Il est venu très près de la mort dans sa dernière maladie et il a eu, dans son agonie, la vision de prêtres qui tombaient en enfer comme des flocons de neige. Il en a été tellement affecté qu'il n'a pas cessé de pleurer pendant des semaines. Il lui a fallu beaucoup de temps pour se remettre de cette vision. Puis-je vous demander pourquoi il était venu vous voir? Je l'avais rencontré brièvement il y a très longtemps, et après cette vision il était revenu me remercier pour ce que je lui avais dit alors, et aussi de l'avoir aidé pour son mal de dos. C'était seulement une visite de courtoisie qui prenait alors pour lui beaucoup d'importance. Est-ce ce que des amis ou des parents de prêtres décédés sont déjà venus vous voir pour savoir s'ils étaient sauvés, parce qu'ils s'inquiétaient du fait que ces prêtres avaient eu, comment dire, un comportement peut-être différent et inquiétant? C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Un couple d'Alsaciens est venu à cause d'un prêtre qu'ils avaient connu. Il avait été très agité pendant un certain temps et un jour, dans sa rage, il avait jeté hors de son église une statue du Sacré-Cœur de Jésus qui s'était fracassée. Il s'était suicidé peu de temps après et ses gens se demandaient naturellement avec inquiétude ce qui lui était arrivé. Il se trouve qu'il était sauvé après tout, mais à un niveau très bas du purgatoire d'où il ne pouvait pas encore être délivré. Beaucoup de gens disent que les prêtres ont perdu le contact avec le monde. Quel est votre avis sur cela? Je pense que cela ressemble beaucoup à cette orgueilleuse propagande qui circule partout de nos jours. Je voudrais dire à ces gens que le plus savant des hommes sur cette terre a souvent besoin de Jésus de façon beaucoup plus urgente que le plus simple des hommes. Dire que les prêtres ont perdu le contact n'est pas exact si les prêtres prient. C'est seulement lorsqu'ils ne prient pas que les grâces seront limitées. Je trouve cette critique en particulier très peu judicieuse. On peut, et on devrait, critiquer le manque de prière, mais jamais le fait de ne pas vivre comme le reste d'entre nous. Nous participons tous à l'expérience humaine et par conséquent à sa nature pécheresse et, encore une fois, ce n'est pas en allant chercher des doctorats en psychologie, en philosophie ou en quoi que ce soit d'autre, que l'on changera jamais ce fait. Je dirais plutôt que les prêtres modernes sont éloignés de Jésus, et non des autres hommes. Combien de prêtres avez-vous pu délivrer depuis Vatican II par vos prières, vos messes, ou vos souffrances? Je ne pourrais pas vous dire exactement combien, mais entre 40 et 50. Et de ce nombre, combien étaient au purgatoire à cause de leur modernisation de la messe? Presque tous. Et la majorité, pour avoir préconisé la communion dans la main. Beaucoup sont à blâmer aujourd'hui pour leur lâcheté. Ils sont nombreux à se rendre compte qu'ils ont pris le mauvais chemin, mais là encore la ruse du démon leur fait dire qu'ils doivent faire comme les autres. Un évêque avouait, j'en ai par-dessus la tête avec cette communion dans la main. Pourquoi n'a-t-il pas le courage de l'interdire dans son diocèse, où il a le droit et le devoir d'agir ainsi? Peut-être serait-il suivi par d'autres, et il en sortirait beaucoup de bien. Oui, vous devez encore beaucoup prier et faire bien des sacrifices, pour que vos évêques et vos prêtres aient ce courage. Cela aussi serait un acte d'amour de Dieu et d'amour du prochain. Ne vous plaignez pas de vos évêques et de vos prêtres qui ont pris la mauvaise voie. Cela ne les rendra pas meilleurs, mais vous pouvez les sauver par la prière et le sacrifice. Et il est certainement possible de les avertir, de leur rappeler ceci ou cela et de leur demander d'améliorer les choses. Oui, et c'est même un devoir. Mais cela aussi doit être fait avec amour et douceur, et non de manière brutale. On peut faire beaucoup avec de l'amour et de la douceur. Nous invitons chaleureusement les évêques et les prêtres à beaucoup prier le Saint-Esprit. Ils reviendront alors certainement dans le droit chemin. Que Dieu, dans son immense amour, leur accorde cette grâce. Si très peu de prêtres aujourd'hui croient à votre témoignage, faut-il en conclure que très peu demandent l'aide des âmes aujourd'hui? Très peu le font. Pouvez-vous me citer un cas où un prêtre a bien reçu leur assistance? Un prêtre de Budapest, en Hongrie, voulait récemment rénover son église et construire un petit monastère. Il est donc allé voir son évêque pour lui demander de l'aider. L'évêque lui a dit de faire ce qu'il voulait mais que ses propres coffres ne contribueraient pas à son projet. Le prêtre a donc prié en disant qu'il allait dépendre de Notre-Dame pour l'aider par l'entremise des âmes. Il est venu ici peu après et j'ai vite accepté de l'accompagner dans sa paroisse et dans la région voisine pour parler de son projet. Dans les 2 semaines qui ont suivi mon retour, il avait reçu un 000 $ pour son église et son monastère. Les âmes lui ont très vite répondu. Ça fait pas mal de plumes d'oie. Ce n'était pas avec les plumes d'oie, elle rit. Mais Dieu aide très rapidement ceux qui font confiance à Notre-Dame et aux âmes. Je suis sûre que vous savez mieux que nous que bien des séminaires sont vides de nos jours. Quelle en est la cause et comment pourrions-nous y remédier? Le remède serait de recommencer à mettre l'accent sur l'esprit de prière, de sacrifice, et de la pénitence. Les hommes reviendraient alors par vagues. Les âmes qui se sentent appelées à servir Dieu de cette manière savent clairement que leur voie est la prière, et lorsque cela n'est pas entretenu, alors à quoi bon finalement des séminaires? S'ils faisaient cela, ils verraient venir une vague de postulants et, après quelque temps, il ne serait plus nécessaire de faire distribuer la Sainte Communion par les mains non consacrées des laïcs. Dans les séminaires, cela suffirait pour rendre plus forte la foi active de chacun et maintiendrait Satan à une bien plus grande distance. Vous avez beaucoup insisté sur la confiance en la Vierge Marie pour conduire le peuple à Jésus. Avez-vous par conséquent constaté une différence entre les prêtres mariaux et ceux qui sont devenus, comme vous dites, modernes, et ont par conséquent laissé Marie en dehors du tableau? Je peux facilement reconnaître un prêtre marial. Ils sont beaucoup plus gentils, humbles, pénitents, aimants et protecteurs que les autres. Dans leur humilité, ils deviennent forts, et dans leur force leurs fruits deviennent beaucoup plus clairs que ceux des prêtres qui agissent sans son intermédiaire. Ils ont aussi beaucoup moins de problèmes avec le célibat et, avec Notre-Dame à leur côté, ils en viennent à connaître les immenses grâces qui accompagnent le célibat. C'est elle qui, avec notre aide, écrase la tête de Satan. Et ce n'est pas un simple symbolisme, c'est un fait. Satan la fuit et il fuit ses prêtres. Les prêtres mariales et l'armée mariale des laïcs avec eux, sauveront finalement l'humanité, ni plus ni moins. Et cela arrivera avec le triomphe du cœur immaculé de Marie. Le monde a donc ici un pape ouvertement marial et une armée mariale de prêtres et de laïcs, qui conduiront cette armée par le triomphe du cœur immaculé de Marie. Pour ceux qui veulent se joindre au pape et à son armée mariale, quelle est la meilleure façon de procéder? Comment les gens pourraient-ils le mieux contribuer au triomphe du cœur immaculé de Marie? En commençant à prier, en commençant à vivre les messages de Medjugorje et en se consacrant, eux et leur famille, au cœur immaculé de Marie.